ça ne se ramasse pas dans la rue. L'amour, ça ne se pèse pas au kilo. L'amour, ça ne se vend pas au marché de Barbès. L'amour, ça ne se vend pas au marché du midi. Sur un étalage, à la porte de tout le monde, belge, français ou marocain, en train de débattre le prix de l'amour. Turc et Ghana, Ghana, Ndingari, en train de balancer l'amour. L'indibou, le champion à mon moment, en train de monnayer l'amour. Tu ne verras jamais le chant qui battre le prix de l'amour et balancer l'amour à Château Rouge. Tipo, tipo, baka, kola, motu, ya, bolingu, pe, bawe, la, kusoma, na, falanga, ya.